Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 31. De la joie ou de la délectation? Nature de la délectation. Supériorité des délectations spirituelles. De la délectation du tact. Y a-t-il des délectations contraires à la nature? 1. La délectation est-elle une passion? Nous avons appelé passion tout mouvement de l'appétit sensitif. Au nombre de ces mouvements, il faut nécessairement compter toutes les affections qui procèdent de la perception des sens. Or, telle est la délectation, que le philosophe a très bien définie, un mouvement de notre âme par lequel nous sommes constitués complètement et sensiblement dans l'état qui convient à notre nature. Un tel mouvement, qui se produit dans l'appétit animal à la suite d'une perception des sens, est évidemment une passion. Note. On dit parfois que la délectation est une opération, mais alors on la définit par sa cause même. Qu'est-elle, en effet, sinon le sentiment de notre propre perfectionnement provenant d'une opération conforme à notre nature? Nous avons vu ailleurs que l'on donne souvent le nom de passion à certaines impressions qui se rapportent au bien. Quoique, le plus souvent, ce mot caractérise les impressions qui exercent sur nous une influence fâcheuse. Fin de la note. 2. La délectation est-elle simultanée ou successive? La délectation, dit le philosophe, ne se mesure pas par le temps. Rien n'est plus vrai, si on la considère en elle-même, de sa nature, elle n'offre pas l'idée de succession, elle consiste dans la possession d'un bien acquis, qui est comme le terme d'un mouvement, sans doute. Si le bien acquis est sujet à varier, la délectation sera successive par accident, mais, s'il n'est pas sujet au changement, elle ne sera successive d'aucune manière. 3. La délectation diffère-t-elle de la joie? Vous remarquerez d'abord qu'en parlant des animaux, nous n'employons jamais le mot joie, tandis que nous nous servons du mot délectation. La délectation et la joie ne sont donc pas complètement identiques. Et, en effet, de même qu'il y a des concupiscences qui dérivent de la nature et d'autres qui proviennent de la raison, il y a aussi des plaisirs du corps et des plaisirs de l'esprit, selon que les délectations suivent la nature animale ou la raison. Le mot joie n'est employé par nous que pour exprimer la délectation rationnelle, et voilà ce qui fait que nous ne l'appliquons pas aux animaux. Nous pouvons avoir de la joie au sujet de toutes nos délectations, mais cela n'arrive pas toujours, souvent le corps en ressent que la raison ne partage pas, et cela prouve que la délectation est plus générale que la joie. Note. Outre le mot joie, nous avons d'autres expressions qui ont été créées pour signifier les divers effets de la délectation dans les êtres doués de raison, et qui, toutes, se rapportent au plaisir de l'esprit. Ce sont, la réjouissance, laetitia, l'allégresse, exultio, la jubilation, juconditas. Fin de la note. 4. La délectation peut-elle être dans l'appétit rationnel? La délectation n'est pas renfermée tout entière dans l'appétit sensitif, elle peut être aussi dans l'appétit rationnel, qui est la volonté. Effectivement, nous venons de voir qu'il y a une délectation qui suit la perception de la raison. Or, la perception de la raison porte non seulement l'appétit sensitif à s'attacher au bien particulier qui lui est propre, mais elle fait mouvoir encore l'appétit rationnel. Aussi a-t-il dans la volonté une délectation appelée joie qu'il ne faut pas confondre avec la délectation corporelle qui appartient à l'appétit sensible. La joie, Dit fort bien le grand évêque d'Hippone, est la volonté se reposant dans la possession du bien recherché. Note. La délectation prend sa source non seulement dans l'essence, mais dans l'intelligence et dans la contemplation, ce sont les paroles mêmes du philosophe, qui, ailleurs, a défini la délectation un mouvement sensible. Toutefois, la délectation qui se renferme dans l'appétit intellectif n'est pas une passion proprement dite, elle est un mouvement simple que Dieu et les anges peuvent éprouver comme nous. Fin de la note. 5. Les délectations corporelles sont-elles supérieures aux délectations spirituelles? Les délectations de l'esprit, qui élèvent notre nature jusqu'à celle des anges, sont très supérieures aux délectations des sens. La preuve de cette vérité se voit clairement dans ce passage du psalmiste. 36, 4. Seigneur, le miel le plus doux est moins agréable à ma bouche que vos paroles. Le Stagiri dit aussi que les plus grandes jouissances nous viennent de la vertu. D'abord, l'homme est plus flatté de connaître les choses par l'intelligence que de les connaître par les sens. Il aime mieux aussi la lumière de son intelligence que celle de son corps. Où est l'homme qui, pour conserver la lumière de l'esprit et ne pas devenir semblable à la brute et à l'idiot, ne sacrifierait pas la vue corporelle? Ensuite, les biens spirituels sont en eux-mêmes supérieurs aux biens matériels. Ne voit-on pas souvent les hommes, pour ne pas perdre leur honneur, qui est un bien spirituel, s'abstenir des plaisirs sensuels? En troisième lieu, l'intelligence n'est-elle pas une faculté plus élevée, plus active, plus pénétrante que la partie de notre être où s'exerce la sensation? L'union qui se forme entre elle et un bien spirituel n'est-elle pas aussi plus intime, plus complète et plus durable que celle de notre corps avec les biens matériels, corruptibles et éphémères? Note. Quelqu'un dira sans doute que les plaisirs sensuels nous impressionnent plus vivement que les joies de l'âme. Nous en convenons, les délectations sensuelles sont, chez nous, plus vifs que les autres, pour trois raisons. Premièrement, les biens sensibles nous sont mieux connus que les biens spirituels. En second lieu, les plaisirs des sens sont accompagnés d'une modification corporelle qui n'a lieu dans les autres que quand la joie de l'âme déborde en quelque sorte sur le corps. Enfin, les biens du corps réparent des maux, guérissent des blessures et soulagent des douleurs, tandis que les biens spirituels ne répondent pas de cette sorte à nos sujets de tristesse. Mais il ne faut pas en conclure que les délectations corporelles sont supérieures en elles-mêmes à celles de l'esprit. Si le grand nombre des hommes suit la volupté des sens, cela vient de ce que les plaisirs sensibles leur sont mieux connus que les plaisirs spirituels, et que la plupart ne sauraient s'élever à ces derniers, qui sont le prix de la vertu. Privés des jouissances intérieures, ils se tournent vers les choses matérielles et renoncent aux délectations spirituelles, qui sont d'elles-mêmes sobres et modérées comme la raison qu'elles ont pour règle. Fin de la note. 6. Dans les délectations des sens, celles du toucher sont-elles les plus grandes? Si nous parlons des délectations sensibles sous le rapport de la connaissance qu'elles apportent à l'âme, celles de la vue sont supérieures à celles des autres sens. Mais s'il s'agit des délectations qui ont l'utilité pour principe et pour base, les plus grandes sont celles du toucher, auxquelles se rapporte tout ce qui concourt à la conservation de la nature animale. En comparant l'une à l'autre ces deux espèces de délectations, on trouve que celles du toucher, parmi lesquelles il faut ranger les plaisirs de la table, de la chair et autres semblables, sont, sous le rapport sensible, absolument plus grandes. en ce qu'elle résume toutes les convoitises de la nature, mais que les jouissances de la vue, considérées dans le rapport avec notre intelligence, sont néanmoins préférables, par la raison que les plaisirs intellectuels l'emportent sur les voluptés sensibles. 7. Y a-t-il une délectation contraire à la nature ? Il peut arriver que ce qui est contraire à la nature de l'homme pour l'âme et pour le corps devienne comme naturel à tel homme en particulier, par la dépravation de certains éléments qui constituent son être. Cette dépravation peut affecter le corps et l'âme, le corps, par une maladie, comme chez les fiévreux qui trouvent doux ce qui est amer et amer ce qui est doux, par un vice de constitution, comme chez l'homme qui mange avec délice le charbon, la terre et autre chose pareille, l'âme, par une habitude dépravée, comme chez celui qui trouve son plaisir dans l'anthropophagie, dans la bestialité, dans la sodomie, et dans les autres crimes qui ne sont pas de la nature humaine. Voilà en quel sens il y a des délectations contraires à la nature. 8. Y a-t-il des délectations contraires les unes aux autres ? La délectation est à l'âme ce que le repos est à un corps, elle s'accomplit dans un objet convenable et en quelque sorte naturel. Comme les repos des corps sont contraires quand ils ont lieu dans des termes opposés, par exemple, en haut et en bas, ainsi il y a opposition entre les plaisirs de la vertu et ceux du vice. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.